Hühnchen. Faudrait faire une espagnolade. Les fameux accords, la connue espagnole. C'est quoi? C'est la mineur, fa, je sais plus, ré, mi. Ta, ta, ta, ta. Moi ah, j'essaie, je vois. Je ne m'en rappelle plus. La mineur, sol majeur, fa majeur et mi majeur. Faire dans tous les sens. En la mineur. Ei mineur, minor. Ei minor, I minor. Après, ça peut partir en latin. Si t'as une bonne drum en latino ou bossa samba, ça passe. Voilà, c'était ma proposition, mon cher DB. Trop d'inspiration tue l'inspiration. Il faut une drum, hein. Thank you.